Tu Big Bang bondes les trous de verre. Tu murs de Planck. Tu lourdes par particules. Tu ellipses lancinantes ces célestes sceptres sous sentence omissive. Tu lasers l'iris. Tu viens ? Allez, tu viens ? Come on, good boy. Acércate más. Daisuki. Tu magma maintes âmes au monde. Tu dioxyde décidément belle. Tu amibe dans le fond de l'eau. Tu polissonne poissonne. Tu membre pour quelques conquêtes. Tu viens ? Allez, tu viens ? Come on, good boy. Acércate más. Daisuki. Tu saurienne, vaurienne. Tu météores peut-être tes caprices. Tu hermétique le petit peuple. Tu mamelle future. Tu neurone folle et frénétique. Tu viens ? Allez, tu viens. Come on, good boy. Acércate más. Daisuki. Tu caverne des mains rouges. Tu muses. Tu osmoses. Tu unissonnes. Tu cornes extatiques certaines saisons. Tu viens ? Allez, tu viens. Come on, good boy. Acércate más. Daisuki. Tu permafrost très pertinente. Tu faunes avec sa lyre infernale. Tu orgies en geyser les jus de joie. Tu oracles au laurier. Tu olwen cette trace blanche qui saigne sa caresse sur la lustration du seigneur, ce héros zombie. Tu viens ? Allez, tu viens ? Come on, good boy. Acércate más. Daisuki. Tu cendres sous les crocs de la croix, tu légende loyale. Tu animal symbiotique en compagnie des machines. Tu homme la femme, tu femme l'homme. Tu paysse le temps avec transe et terreur pour l'amour qui marche sur une corde raide entre la musique et la poésie, le ciel et l'enfer, le piano blanc et la harpe noire. Te ou tout vouloir alors. Tu viens ? Allez, tu viens ? Come on, good boy. Acércate más. Daisuki.